Mais les compétences, quoi. Il y a, bon, ça, c'est quelque chose qui me parle, moi, personnellement, depuis longtemps maintenant, où je sais pas, j'ai des sortes de comptes à rendre avec la façon dont les choses sont organisées socialement et sociétalement, et que, voilà, que je trouve que c'est, qu'on manque, on est trop souvent, on est trop souvent dépendant, en fait, de personnes, et alors qu'en fait, on pourrait très bien faire les choses par soi-même si on nous en donnait les moyens, ou si justement, par le biais de l'éducation ou par d'autres biais. Donc il y a effectivement l'éducation qui est ou le, comme tu disais aussi, le modèle, enfin montrer les choses, quoi, montrer, donner, transmettre des savoir-faire, pas les garder pour soi, voilà, c'est des idées comme ça, quoi. Oui, et puis j'ai le sentiment quand même que le vélo est souvent partagé, ou peut l'être en tout cas, entre les différentes générations, et que dans des quartiers comme les nôtres, qui sont des quartiers sensibles, on va dire, particulièrement pour nos quartiers à nous ici, le fait comme ça de proposer autour du vélo peut-être un partage entre les générations, hein, entre les plus jeunes et les plus anciens, bah, ça peut être une manière de créer ou de recréer du lien, et ça me paraît assez essentiel, non ? Bah ça, complètement. Alors effectivement, du coup, je ne sais pas si on le classe dans l'éducatif, mais effectivement, il y a le socio-éducatif, il y a effectivement très clairement pour nous aussi, nos temps d'atelier... s'ils sont pas conviviaux, à la limite je préférerais encore tout de suite arrêter, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça, pour nous, la convivialité, ça reste une des pierres, je sais pas comment on dit, enfin un truc angulaire. Voilà, ouais, une pierre angulaire du projet. C'est quelque chose sur lequel on est attentif, ça, et la non-discrimination aussi, évidemment, proposer, enfin essayer en tout cas de faire en sorte qu'on ne pas être discriminant dans notre façon de nous comporter vis-à-vis des personnes qui viennent pour réparer leur vélo, voilà, des choses comme ça qui sont des valeurs, quoi, en quelque sorte, qui font partie intégrante du projet. Mais c'est un peu la même philosophie que notre ami Rémi a invité dans l'émission Ça bouge récemment, l'association Pneu, là, qui est garage associatif, en fait, qui est dans la même veine, la même mouvance que ce que vous décrivez. Oui, tout à fait. Là, ouais. C'est intéressant, mais là, on est du côté automobile, mais automoto, mais c'est l'esprit, me semble, très proche. Sur l'autonomie, je voulais rebondir sur ce que disait Serge. Serge, il parle de l'autonomie sur le entre guillemets, l'aspect fin du monde, la fin du pétrole, et voilà, on pourra se débrouiller avec notre vélo, entre guillemets. Il y a un aspect aussi plus immédiat et en lien avec la jeunesse, je ne veux pas dire l'éducation, parce que c'est plutôt en lien avec la jeunesse, c'est que effectivement, dans notre société aujourd'hui, on est aussi dans une forme, malheureusement pour les jeunes, et je pense que ça doit être pour certains assez difficile à vivre, de dépendance en fait à l'automobile, c'est-à-dire que eux, ils sont dépendants à l'automobile, mais ils n'ont pas le permis et ils sont condamnés en fait à se faire accompagner à gauche, à droite par leurs parents pour toutes les activités qu'ils vont faire. Ça, c'est une réalité pour tous les jeunes qui habitent un petit peu dans des endroits où qui ne sont accessibles qu'en voiture, ou en tout cas en sécurité. Et du coup, le vélo, c'est vraiment un moyen de liberté pour les jeunes, pour tous ceux qui, enfin, pour un nombre beaucoup plus grand en fait. Pas que pour les adultes, c'est aussi pour toute la jeunesse de pouvoir aller voir les copains, de pouvoir aller à ses activités, bah, sans dépendre de la disponibilité d'un adulte. C'est quelque chose de génial pour les jeunes, mais aussi pour les adultes qui ont tout intérêt à voir leurs enfants gagner en autonomie, quoi. Voilà. Voilà, mais là c'est là que du coup tu abordes tu reviens au volet éducatif, dans le sens où on est quand même, on est, tu vois, socialement tellement en recherche de gains de temps que c'est pas facile de convaincre des personnes d'utiliser le vélo quand il y a justement dès que tu sors de la ville de Pau, quoi. C'est-à-dire que tant que t'es à Pau, bon, j'avoue que moi, en tout cas mon point de vue personnel sur la question, c'est que habiter à Pau et pas faire du vélo, c'est juste un non-sens. Enfin, Pau ou l'agglo, encore l'agglo, directement les communes directement alentour de Pau, parce que c'est tellement plus rapide à vélo que et tellement plus agréable, etc., que je vois pas le, ça a absolument aucun sens de prendre la bagnole. Mais par contre, dès qu'on sort de l'agglomération paloise, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme tu l'as dit, il y a la question de la sécurité, il y a aussi la question du temps, et le temps n'est pas le même. Et c'est vrai qu'on est quand même dans des sociétés où le temps, c'est de l'argent. Enfin, ça fait longtemps que c'est le cas, mais c'est une variable enfin, je sais pas, hyper, hyper importante, déterminante, quoi. Alors, qui détermine justement la façon dont on va se déplacer. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on utilise la voiture ou le vélo? Entre autres, il y a cette question du temps, quoi. Enfin, je parle pour ceux qui sont à l'extérieur, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a aussi, mais enfin, justement, dans cette dimension du temps, le fait d'avoir des enfants qui sont autonomes, en général, ça fait gagner beaucoup de temps aux parents. Oui, ça c'est vrai. Ouais, puis ça fait gagner carrément beaucoup de temps aux enfants dans leur, prise de conscience, dans leur maturité. Ouais. Ça, c'est évident. Ouais. Un écueil, me semble-t-il, en tant que pratiquant du vélo récent, hein, parce que c'est bon, suite à une opération du dos, je m'étais promis que si ça marchait bien, je m'achèterais un vélo. Alors évidemment, bon, comme on n'est pas tout jeune, j'ai plutôt joué la carte de l'assistance électrique. Et je pense que ça, c'est une question intéressante par rapport aux personnes un peu plus âgé, on va dire. Je trouve que ça rend, je ne sais pas si je serais arrivé à repartir sur un vélo classique après cette opération, alors que sur le vélo assistance électrique, qu'on peut doser comme on veut, mais c'est sans problème, et il y a même un côté ludique, et c'est agréable de le prendre, et j'ai envie de le prendre plutôt que de prendre ma voiture, qui est pourtant une hybride, mais malgré tout, si je peux, bon, je reconnais que quand il tombe des cordes, je prends la voiture, hein. Donc il y a... Sinon les batteries elles rouillent, c'est normal. Et il y a cette dimension-là, la question, bon, on pourrait y revenir, de l'assistance électrique, comment vous vous situez par rapport à ça l'un et l'autre. Et puis il y a la question, moi, que je trouve préoccupante, qui est très simple, mais c'est de protéger nos vélos quand on les pose en ville, qu'ils soient suffisamment protégés. Il y a quand même beaucoup d'endroits pour les ranger où c'est pas top. Mmh. Normalement, on n'a pas le droit de les attacher après les poteaux, etc. Bon, si on le fait pas, c'est des fois compliqué. Et donc, je trouve que ça manque de moyens pour les ranger efficacement et les protéger de manière suffisante, en tout cas. Parce que, quand, notamment, bon, même des vélos classiques peuvent coûter très cher, mais un vélo assistance électrique, bon, de suite, ça dépasse quasiment chaque fois les 1000 euros, quoi. C'est quand même... on a envie d'y faire attention. Il y a des endroits où je ne vais pas avec mon vélo parce que je ne sais pas où le mettre. Ou alors, il faut que je le pose à... Bon, c'est pas grave, à 800 mètres et marcher un peu, ce qui fait pas de mal non plus. Mais... quelle est votre lecture à pot à vélo là-dessus et vos... Mais le stationnement, ça fait partie des sujets sur lesquels on bataille. On a un grand passionné dans notre équipe qui nous a référencé tous les stationnements sur une carte. Elle n'est pas encore publiée, cette carte, au grand public, mais elle va le devenir, là, j'espère, d'ici le début de l'année 2020. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on bataille dans plusieurs domaines, parce qu'il y a, par exemple, dans le PLUI, là, il y a la question des constructions neuves, quel parking on va mettre, est obligatoire dans les constructions neuves, quel confort on va donner au vélo. Alors on pense toujours, voilà, il va falloir laisser des parkings pour les voitures, parce que les gens sont en voiture, mais pour l'avenir, il y aura aussi des gens qui seront en vélo, il faut penser à quelle place on va leur laisser, quelle place est obligatoire dans ces constructions pour les vélos. Et au-delà des constructions, bah aussi dans l'espace public, offrir soit des parkings qui soient sécurisés pour l'intermodalité notamment, donc auprès des trains et puis peut-être auprès des terminaux de bus, et puis à proximité des commerces, bien sûr. Donc c'est un travail qu'on est en train de mener là depuis, je dirais, l'année dernière. On a commencé à faire du référencement, du comptage, et puis réclamer quelques points. Mais ça reste encore en chantier, on a beaucoup à faire là-dessus. On a beaucoup à faire, oui, c'est un vrai travail. C'est une vraie question. Voilà, la mairie a l'air en tout cas, au sein des interlocuteurs qu'on a eu au service technique, c'est une question qui se pose aussi. Donc il peut y avoir un progrès réel sur ce domaine-là dans les années à venir. Mais ils en sont conscients. Ils en sont, conscients. A priori conscient. En ce qui concerne... Après, c'est vrai qu'au niveau... Moi, je ne suis pas moins sensible à cette problématique, naturellement, parce que j'ai toujours eu des vélos pas chers. Et je me suis toujours accroché n'importe où. Et du coup, tout ça, c'est personnel, quoi. Moi, je vois moins le problème. Mais je vois bien qu'effectivement, quand on commence à posséder un petit peu un truc qu'on n'a pas envie de perdre... D'ailleurs, en fait, moi non plus, je n'ai pas envie de le perdre, le mien. Mais cette question-là, elle se pose de façon beaucoup plus cruciale. Quoi. Donc on est plus à cheval sur comment est-ce qu'on enlaidit l'espace public avec son vélo, comment est-ce qu'on gêne les gens. C'est vrai que des fois, il faut penser, un vélo stationné, ça peut déranger des fauteuils roulants, les poussettes, etc. Il faut quand même faire attention à ces choses-là. Pas du tout une logique d'esprit sécuritaire, mais même à vieux clous, moi j'ai souvenir, il y a une dizaine d'années, j'habitais Jurançon, une maison avec un jardin. Bon, les portails sont ouverts, je ne ferme pas. Et un vieux clou, mais alors un vieux clou plutôt vélo de femme, qui a disparu du jardin un jour, comme ça. Ouais. Il était utile, il servait quand même. Il était vieux, mais il servait quand même. Bon, et après, il y en a des plus beaux que mon fils s'est fait prendre en ville. Mais lui, il n'était pas prudent, il ne les attachait pas. Le vol, c'est une vraie problématique. Je vais laisser Serge rebondir là-dessus après, parce qu'il propose une solution, notamment à l'atelier vélo, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de faire du vélo simplement parce qu'ils se sont voler, et en fait ça les décourage. C'est vrai. Et ils ne recommencent pas, en fait, ils deviennent automobilistes. Donc ça va complètement contre l'objectif de notre association. Donc on essaie de sensibiliser à ça aussi, pointer les bons antivols, et puis des solutions comme le gravage bicycode qui est proposé par l'atelier vélo ici présent, si je dis pas de bêtises. Oui, non, t'en dis pas, mais jamais d'ailleurs. Serge, on aborde cette question après la pause, on se fait une petite... Allez, d'accord, donc on aborde la question de la sécurité après la pause, très bien. Après une petite pause musicale. Ça va. C'est parti. Quartier, quartier, quartier. Bien, on revient en direct. Serge, oui. Où on en était, rappelez-moi. Alors, on parlait de la question du vol, notamment. Exactement. Et c'est vrai que le vol, c'est un vrai problème. Alors, je pense que c'est partout pareil en France. Hein. Je ne pense pas que ce soit spécifique à Pau. Mais en tout cas, pour les villes que j'ai fréquentées, moi, personnellement, dès qu'elles sont un peu grandes, il y a du vol de vélo à foison. Et c'est un vrai problème, ouais. Alors, nous, effectivement, on communique sur le fait, d'une part, qu'il ne faut pas laisser les vélos attachés la nuit, même si ce n'est pas toujours suffisant. Parfois, ça peut se les faire voler en plein jour, mais déjà, ne pas les laisser attachés dehors la nuit, les rentrer. Mmh. On communique sur le fait que, justement, alors si tu dois le laisser dehors la nuit, il te faut un antivol qui soit super costaud. Même si, c'est encore une fois, ce n'est pas à l'épreuve des balles, hein, ça reste quand même très très dissuasif. Et enfin, la dernière chose effectivement dont on parle, c'est le marquage bicycode, qu'on propose de temps en temps, qu'on va proposer plus régulièrement à partir de la rentrée 2020, puisque pour parler actu, donc on va bientôt signer une convention de partenariat avec la ville de Bière, pour laquelle donc on va animer ou co-animer un lieu dédié au vélo, et donc il va être question effectivement d'acheter un peu de matériel, et notamment une machine à marquer les vélos, à marquer des bicycodes, ce qu'on faisait jusqu'à présent mais avec une machine du conseil départemental qui était de plus en plus difficile à avoir, parce qu'ils s'en servent eux aussi. Ils ont énormément de structures, c'est le département, donc il y a beaucoup de structures qui sont susceptibles d'utiliser cette machine, parce qu'ils l'ont acheté le département pour la mutualiser justement. Donc voilà, ça devenait, la première année c'était facile de l'avoir, on l'avait quand on voulait, mais la deuxième année, depuis un an, là c'est très compliqué pour l'avoir, donc on s'oriente plutôt vers un achat qui va permettre du coup de faire ça, sur la continuité, quoi. Alors comment ça se passe, cette histoire de code, comment ça fonctionne? Allez. Et le marquage, c'est très simple. On grave un code sur le cadre. Ouais. Donc c'est un code qui, comme il est gravé, donc il n'est pas facile à enlever. On ne peut pas l'enlever en grattant juste, ou en enlevant une étiquette, ou en enlevant une plaque qui serait rivetée, etc. C'est gravé sur le cadre. Donc, il y a plusieurs systèmes, mais bon, ça c'est le système le plus courant. Le code gravé sur le cadre. Et donc c'est une fois qu'on a gravé ce code, on va dire qu'il y a une petite procédure à faire, mais on est très rapidement donc inscrit sur un registre national qui identifie et qui associe donc un numéro avec un vélo et une personne. Donc autrement dit, si votre vélo est volé et qu'il est retrouvé par la police par exemple, la police aura effectivement comme devoir et comme facilité du coup pour retrouver le propriétaire d'aller sur le registre national et de retrouver le propriétaire et de le contacter pour lui dire: nous avons monsieur retrouvé votre ou madame retrouvé votre vélo, vous pouvez venir le chercher à telle adresse. Ouais. Ce qui à l'heure actuelle n'est pas possible et qui embête bien la police aussi, justement parce que ils ont beaucoup de vélos, mine de rien, ils ont énormément de vélos qu'ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que le marquage bicycode ce n'est pas un antivol, il faut ça, bon, je pense, enfin, je sais pas si tout le monde le sait, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas un antivol. C'est juste une façon de faire en sorte que si votre vélo est volé et retrouvé, vous puissiez du coup être contacté pour qu'on vous signale que votre vélo volé a été retrouvé. Voilà, c'est déjà bien. Bon, effectivement, ça n'empêche pas le vol. Ça n'empêchera pas le vol. Ça n'empêchera pas le vol, mais ça facilite le fait de le retrouver après. Voilà, c'est déjà quelque chose. Une question comme ça qui me traverse l'esprit de manière spontanée. Pour les animaux, on peut mettre des puces qui permettent en plus de les suivre au GPS. Mmh. C'est maintenant devenu quasiment, ordinaire. Bon, ça a un coût, mais... Bientôt pour les enfants aussi. non, je parle pour les animaux, même si nous sommes aussi des animaux, paraît-il. Mais C'est pas envisageable pour les vélos, ça, de pouvoir mettre quelque part. Alors c'est vrai qu'il faudrait peut-être le coller à la résine ou un truc qui fasse qu'on peut pas l'enlever facilement. Mais là, pour le coup, on pourrait avec nos, au moins en utilisant les techniques modernes pour une bonne chose, avec notre mobile, c'est possible de le repérer au GPS, etc., etc. Non, c'est pas envisageable, c'est pas. Il y a des systèmes qui existent ici déjà, qui sont commercialisés. Ah, ça existe. Il faut se renseigner. C'est juste technologique, hein. J'en ai vu dans des trucs qui se mettent dans le guidon, par exemple. Ah, et ça fonctionne. Après, il y a toujours le problème de le. Il faut que ça consomme de l'énergie. Ah oui, donc il faut le repenser à le recharger régulièrement. Et puis, faudrait que ce soit solaire. Il faut agir vite une fois qu'on s'est fait voler avant que les batteries soient à plat. Faudrait que ce soit mais solaire. Oui, je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne suis pas utilisateur de ce genre de système. Non, mais en tout cas, je sais que ça existe. Voilà. On peut en trouver dans le commerce. D'accord. On en parlera tout à l'heure, ou peut-être qu'on peut en parler maintenant. J'entendais tout à l'heure que vous, au niveau de poids à vélo, sans doute que l'atelier cyclo aussi doit avoir cette idée-là, mais on parlait des meilleurs systèmes de protection pour empêcher de voler le vélo cette fois. Mmh. On peut donner des marques, hein, je crois que c'est pas un problème en soi, hein, mais je sais pas, vous avez, vous, ou décrire le système qui vous paraît être le plus efficient. Alors en général, ce qui est recommandé systématiquement, c'est les antivols en U. Ouais. Après, il y a un comparatif justement sur le même site que le site du Bicicode. Si on fait une recherche sur Bicicode, après, je pense qu'on va tomber assez facilement sur les comparatifs qu'ils font chaque année des différentes marques d'antivols, où ils sortent, ils les étoilent. Donc, c'est pas toujours les plus chers, les plus efficaces. C'est bien. Je connais pas malheureusement les résultats par cœur de ce comparatif. Je vous invite vraiment à taper Bicicode sur Internet et puis chercher un petit peu comparatif antivol et vous allez tomber dessus. Par contre, ce qu'il faut bien faire, c'est si possible avoir un antivol en U, attacher une roue et le cadre, enfin au moins le cadre, le minimum, et si possible une roue avec, à un point fixe. Et qu'on puisse pas, parce qu'il y a des gens, ils accrochent ça à un poteau et il n'y a rien au-dessus du poteau, c'est un petit poteau. Oui. Donc il suffit de soulever le vélo et on a ceux qui sont à côté de la flaque, par exemple. Il faut réfléchir quand même qu'on puisse pas décrocher le truc facilement en soulevant le. Voilà. Et si on attache que la roue, on risque de retrouver que la roue. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais y a des endroits où c'est très difficile. Alors avec un U, c'est difficile d'attacher une roue plus le cadre. Alors il faut regarder les petites vidéos, si il y a une technique. Alors ce qu'on demande, c'est justement, on parlait des stationnements tout à l'heure, c'est si on a des stationnements de rue qui sont appropriés, des arceaux vélos, oui, ça, c'est très faisable d'attacher une roue plus le cadre. Ouais. Parce que les arceaux par exemple qu'on a, sur l'Intermarché là à côté, ils sont tellement petits qu'on est obligé de mettre qu'un bout de roue, et il est impossible d'attacher le cadre avec. Hein. Alors ça s'appelle peut-être pas des arceaux, c'est des pince-roues, non? Des pince-roues. Alors, si c'est des pince-roues, effectivement, c'est pas le genre de stationnement qu'on recommande du tout. Ça abîme les roues et puis c'est pas efficace. Ça oblige à HBC pour attacher son vélo. Ah oui, c'est vrai. Et ça nous permet pas de l'attacher efficacement. Donc, on milite un peu contre ce type de stationnement en disant mettez des vrais arceaux où on peut attacher une roue et le cadre. Voilà. C'est très bien. Très bien. Oui, alors ils vendent aussi, j'ai vu quelque part le U et qui est livré aussi avec un filin qu'on peut faire passer et qu'on repasse évidemment dans le U pour l'empêcher de l'enlever. C'est une solution qui peut avoir son intérêt de cumuler les deux en fait. Et sinon, ce que j'ai lu ailleurs, mais c'est quand on est coincé, c'est d'avoir deux U, mais bon, il faut transporter les deux U dans le vélo quoi. Après, en fonction de quel risque on s'expose, il faut effectivement dimensionner sa protection. Moi, c'est vrai, quand j'étais au collège, le garage à vélo, c'était un haut lieu de hold-up, enfin pas hold-up, mais de vol de vélo et autres. Donc du coup, effectivement, il fallait attacher sa selle, il fallait attacher ses roues, il fallait pas qu'il y ait un élément détachable, il fallait pas qu'il y ait quoi que ce soit de détachable. Donc à ce moment-là, avec deux antivols, effectivement, on s'en sort. En général, un U plus un cadenas un peu plus souple, accordéon, ça suffit. Ouais. Voilà, on peut tout attacher avec ça, on peut attacher la selle, la roue et le cadre, enfin la selle, la roue, le cadre et l'autre roue. Ouais. Voilà, après, c'est vrai qu'une fois, quelqu'un m'a volé mon guidon carrément, ils avaient coupé tous les câbles et ça on peut rien faire contre ça, mais c'est très très rare. Voilà. Dans le même ordre d'idée, je peux vous raconter que j'ai un cousin il y a 50 ans, parce que le temps passe, ou 40, 45. Il avait une 2 chevaux et c'était en région parisienne, et un matin il a retrouvé sa 2 chevaux sur des cales, on lui avait piqué les 4 roues. Voilà. C'était sympa. Ça arrive à Pau aussi. Hein. Ah oui, ça peut arriver partout. Mais enfin bon, c'était vraiment dur, quoi. Parce que le gars qui a des voitures comme ça, c'est pas celui qui est le plus riche de la Terre. il faudrait réfléchir à deux fois, et même pour les autres, hein, d'ailleurs. Serge, par rapport à l'histoire de la protection pour éviter les vols, vous avez d'autres des idées complémentaires ou... Non, la même chose que ce que j'ai dit et ce qu'a dit Sébastien déjà. Ouais. C'est bon, ouais, d'accord, ouais. On reste sur ça. Alors, parlons de vos associations un petit peu. L'une et l'autre, on peut commencer par vous, Serge. Comment c'est financé ? Alors c'est financé, il y a un financement mixte, c'est financé à la fois par des ressources propres qui sont générées par l'activité de l'atelier vélo, de l'association. Donc ces ressources, elles proviennent de la vente de vélos, elles proviennent des adhésions, et elles proviennent de la vente de pièces détachées, et enfin elles proviennent aussi de prestations que l'on produit, quoi, que l'on offre comme service à différentes structures. On propose nos services en quelque sorte à des structures d'éducation populaire, mais pas que. Donc les écoles, les centres sociaux, mais ça peut aussi être des entreprises, justement pour, comme a dit Sébastien tout à l'heure, pour sensibiliser au fait d'utiliser son vélo pour aller travailler. Incroyable. Donc voilà, dans tous les lieux dans lesquels il peut y avoir des utilisateurs de vélo potentiellement, on essaie d'intervenir, voilà, de proposer nos services, et à la fois une sorte de sensibilisation à la mécanique, mais c'est aussi une sensibilisation à l'usage du vélo, à l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement, et puis à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, à la fois le lien social, la mixité, le partage de connaissances, etc., éducatif. Donc voilà, il y a tout ça qui s'imbrique pour lorsqu'on propose ce type d'animation, et donc pour lesquels on demande un paiement qui nous permet donc d'avoir des rentrées financières et qui permettent de salarier le personnel de l'association, en l'occurrence moi, et pour l'instant. Et donc ça, c'est les premiers types de ressources financières. Et le second type, bien sûr, ce sont les subventions. Les subventions, donc, qui sont des subventions soit de l'État, soit de la région, soit du département, soit de la... Voilà, enfin bon, ça, il peut y avoir... on tape un petit peu à toutes les portes, hein, là, pour le coup, on n'est pas sectaire, et pourvu que, évidemment, c'est un lien avec le projet que l'on porte, ça ne nous dérange pas de taper à toutes les portes. Donc, en l'occurrence, le projet a été soutenu ce projet d'atelier vélo a été soutenu à son démarrage par le département dans le cadre de l'innovation sociale, et surtout par la région dans le cadre de l'aide, pareil, de l'innovation sociale aussi. Voilà, ce sont vraiment principalement effectivement la région qui nous a permis de financer le premier poste et de faire en sorte de développer l'activité. Si vous voulez, l'idée, hein, c'est d'essayer de développer l'activité suffisamment pour après, au bout d'un certain moment, que le ratio subvention ressources propres s'équilibre, voire pourquoi pas un jour penche en la faveur des ressources propres pour financer l'activité. C'est le principe de l'économie sociale. Hein, bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, pour l'instant on n'y est pas. Hein. Pour l'instant on reste à un ratio on reste encore dépendant. J'ai pas le chiffre en tête, mais peut-être à 60-40, quelque chose comme ça. C'est déjà bien. De subventions, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, on voit bien que, enfin, de toute façon, c'est un projet qui est dans l'air du temps. Donc pour l'instant, qu'en sera-t-il dans 10 ans ? On n'en sait rien. On ne sait pas si dans 10 ans, l'utilisation du vélo sera toujours aussi portée, au moins dans les paroles des gens qui nous gouvernent. Mais, vous avez un pronostic ? Mais y a pas de... Non, j'en ai pas. Non. Mais en tout cas, il n'y a pas de certitude de ce point de vue-là. Enfin, moi, j'en ai pas. Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire, c'était que pour l'instant, effectivement, voilà, on a la chance que ce projet-là, il trouve des échos un peu à tous les niveaux, aussi bien au niveau des gens de la rue, on va dire, que aussi au niveau des gens qui gouvernent, et ça nous permet, voilà, pour l'instant en tout cas, d'exister, de proposer ce qu'on propose. L'implantation, voilà. Vous êtes situé où, pour que tout le monde sache, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés mais qui savent pas où vous êtes. Ouais, alors l'implantation, donc on est implanté, je vais vous faire un petit historique là. Oui. Donc on n'a pas de local en fait en dur. On n'a pas de local en dur. Donc on a acheté un conteneur il y a un an et demi en partenariat avec Destination Patrimoine qui nous l'a cédé pour en intégralité depuis. Et donc ce conteneur, il nous sert en fait de local, on va dire, de lieu de stockage. Donc c'est ce local, ce conteneur, il était disposé sur la friche LARA dans le quartier Saragosse pendant un an dans le cadre du festival Saragosse. Et donc à l'issue de ce festival, on a trouvé une solution, donc pour déplacer ce conteneur. On a trouvé donc un accord avec le Bel Ordinaire à Bière. Le Bel Ordinaire, donc les anciens abattoirs pour ceux qui seraient plus anciens. Et donc on est effectivement à l'heure actuelle derrière donc les ateliers du Bel Ordinaire, dans l'enceinte du Bel Ordinaire. On a posé le conteneur à cet endroit-là et donc c'est à l'arrière du Bel Ordinaire qu'on propose nos ateliers depuis juin 2019. Donc si on veut vous rencontrer, c'est là qu'il faut venir. Pardon, le Bel Ordinaire. C'est là qu'il faut venir. Alors c'est là qu'il faut venir si on veut nous voir, comment dire, c'est là qu'on est sûr de nous trouver. Voilà. Tous les mercredis après-midi, on y est de 13h à 18h en hiver et de 13h à 20h en été. D'accord. Mais sinon, à côté de ça, puisqu'on sait bien que l'idée, c'est quand même de pouvoir toucher des publics variés, et que quand on a ne serait-ce qu'un pneu crevé, c'est quand même compliqué d'aller jusqu'à Bière, si on habite à Pau. Ouais. Donc on propose aussi des ateliers mobiles aussi souvent que possible sur le reste de l'agglo, et notamment, bon, je dirais vraiment principalement sur Pau, parce que même si on a déjà été par-ci par-là, notamment à Alons ou à Gélos, ou des choses. Mais bon, on n'a pas fait beaucoup d'autres communes, si ce n'est Bière et Pau. Et, et donc voilà, donc on est relativement régulièrement présent sur Pau. On est une fois par mois à la fac, une fois par mois à la MJC Berlioz. Voilà, et on essaie de développer ce type de créneau-là, voilà, pour être le plus finalement facile à trouver, quoi, parce que c'est quand même déterminant. Si on veut proposer de la réparation, il faut être proche des besoins, quoi. Bien sûr. Voilà, pour l'instant on en est là, et comme je disais tout à l'heure, on est en passe de finaliser une convention avec la mairie de Bière, et qui nous mettrait à disposition un petit espace supplémentaire, un Algeco en l'occurrence, qui nous permettrait, on va dire, de proposer éventuellement d'autres choses. D'accord. Les ateliers, on les fait principalement à l'extérieur, sur un bout de bitume. C'est encore le meilleur endroit, pourvu qu'il soit couvert des intempéries, pour faire de la mécanique. Mmh. Donc le lieu, l'Algeco, pourrait servir pour des soirées, pour des animations, pour un autre type de... Il peut vos parties administratives aussi, peut-être. Peut-être, oui, c'est à voir. Ça. D'accord. L'adresse exacte, à Donc l'adresse du mercredi, donc c'est Allée Montesquieuse, derrière les ateliers du Bel Ordinaire, à Bière. Ouais. D'accord, c'est toujours important. Un numéro de téléphone ? Un numéro de téléphone, c'est toujours le même, c'est 06 15 50 21 et 14. D'accord. Bon, c'est toujours important de le donner. Hein. Voilà, et effectivement, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, le site web de l'atelier vélo est tenu à jour, et donc on y trouve systématiquement, si on y va dessus, les différents ateliers, les différents événements auxquels on participe. Donc par exemple, si on y va aujourd'hui, on va voir que... Donc c'est ateliervélopo.fr, pardon. Et si on y va aujourd'hui, on va voir qu'on est demain rue Carnot, qu'on est samedi à Bière, sur le Bel Ordinaire, et qu'on est dimanche à Bière aussi, au stade Roger Tétain. Bon. Donc on trouve les différentes dates et lieux auxquels nous trouver sur le site. Votre agenda est là, est sur le tout à fait. Sur le site. Ouais, c'est tout à fait intéressant. Juste une question toujours côté structure, l'adhésion, c'est combien à l'association? Alors l'adhésion, c'est de 15 € à l'année. Individuelle à l'année, ouais. Et elle donne droit à utiliser tout le matos. On considère qu'un adhérent est propriétaire au tantième du matériel associatif, donc il a le droit d'utiliser sans avoir à payer davantage. D'accord. Pour utiliser le matériel. D'accord. Les conseils et l'accompagnement pédagogique et technique, il est donné par un ensemble de personnes qui sont pour la plupart bénévoles, donc on n'est pas toujours le même nombre, donc c'est fluctuant. Je veux dire par là que faut pas s'attendre, je le répète parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément, mais on n'est pas du tout dans le même positionnement que les magasins vélo. On n'amène pas son vélo chez nous pour qu'on le répare pour les gens, donc on amène son vélo pour apprendre à le réparer. S'il n'y a pas cette intention, c'est pas la peine de venir nous voir. C'est important de le dire. Voilà, à moins insister pour acheter un vélo ou pour, voilà, pour d'autres choses. Mais en tout cas, en ce qui concerne la réparation, si on n'a pas l'intention de réparer, c'est pas la peine de venir. Il faut mettre les mains dans le cambouis, d'accord. Ça me paraît, bon, c'est clair, c'est participatif. Tout donc, à fait. Ça va dans cet esprit. Et on n'est pas, voilà, on n'offre pas le même service que des magasins de vélo, on n'est pas en concurrence avec eux. Enfin, je le dis parce que c'est quand même important aussi. Les magasins de vélo, eux, par exemple, ils ont des assurances, ils ont des responsabilités, etc. Nous, on n'a pas du tout les mêmes. Les gens sont responsables de leur réparation. S'ils ont un problème, c'est eux les responsables. C'est pas l'association qui a accompagné la réparation. Donc ça change énormément les choses et c'est aussi pour ça que le coût est différent. Donc on ne paye pas forcément si on paye dans un magasin, c'est pas pour rien. Ok, on va faire une petite pause musicale et on reprend tout ça après. C'est parti. La musique dans le monde. Ça bouge. Eh oui, ça bouge sur RPO. Comme tous les jeudis, en fin d'après-midi. Émission dédiée à la vie de quartier. Dédiée à la vie de quartier. Ça bouge sur RPO. Nous revoilà en direct nous sommes à nouveau avec Sébastien de Pau à Vélo et Serge de l'atelier solidaire. C'est dur à dire, hein, atelier vélo participatif et solidaire. Non. Alors je peux vous raconter des anecdotes, j'en ai plein. Ouais. Je vais laisser passer. Non, mais juste pour dire qu'on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup creusé la tête pour trouver un nom, un autre nom, un nom rigolo, un nom funky, un nom je sais pas quoi, punk. Mais on n'a pas trouvé de nom qui faisait l'unanimité. Pau à Vélo nous avait déjà tout pris, quoi. Il avait un nom tellement fantastique que on n'a pas réussi à trouver mieux. Et du coup, on s'est orienté vers ce nom générique, atelier vélo participatif et solidaire. Je termine juste sur ça, après je laisse la parole à Sébastien, mais c'est pour dire que en fait les ateliers vélo participatif et solidaire, on n'a rien inventé, enfin moi ni les autres fondateurs en l'occurrence, on n'a rien inventé, on s'est juste inspiré et copié honteusement sur ce qui existe partout en France presque depuis une vingtaine d'années maintenant et qui a pris naissance dans la région Rhône-Alpes, à Lyon et à Grenoble notamment, où sont nés les premiers ateliers vélo participatif et solidaire. Et qui se sont petit à petit constitués en réseau, toujours sous l'impulsion donc des ateliers grenoblois notamment, et qui aujourd'hui, les ateliers vélo participatif et solidaire sont plus de 200 en France, je crois 300 ou 400, je ne sais plus. Et voilà, ce qui est vraiment révélateur d'un engouement et d'un besoin indéniable, et aussi d'un projet au départ, donc ce projet des ateliers vélo participatif et solidaire qui était un peu punk, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, qui était bien punk au début. Bon, il s'est un petit peu, peut-être qu'il s'est un peu dévoyé par certains côtés, puisque effectivement il y a le côté de l'argent qui rentre en compte aujourd'hui davantage qu'il ne rentrait en compte dans le projet original. Mais bon, on essaye quand même de garder la ligne. Mais enfin, ça pour dire quoi, c'est des choses qui existent partout en France, quoi. On n'a vraiment rien inventé. Il n'y a pas une fédération, non? Si, il y a un réseau, qui s'appelle Le Recyclage. Ouais. Ah oui, c'est ça, ils ont bien trouvé. Ouais, alors eux, ils ont été super forts. Ils ont bien trouvé. Ouais. Sinon, pourquoi pas chercher aussi avec les premières lettres, que j'ai vu le nom, comment ça s'appelle, un anagramme ou... Non, comment ça s'appelle quand on fait un mot avec les premières lettres? Ouais, on a tout essayé. Ouais. Ça n'a rien donné. Pour l'instant, si, c'est leur sigle, la VPS. Ouais, mais on dit ça comme dire. Ça, des fois. Un acronyme, ce que tu cherchais comme mot. Atelier vélo participatif et solidaire, c'est le nom complet. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, on va y arriver, hein. Il suffit. Je vois que ça a l'air important. Ouais, non, mais c'est honteux en plus, parce que du coup, on vole le nom générique national. Parce que du coup, c'est le nom générique, l'atelier vélo participatif et solidaire. Mais comme on n'avait pas trouvé la mission. Mais comme ça marche. Voilà. Bien, Sébastien, parlez-nous un peu du financement, du fonctionnement de l'association. Oui. Alors, à Pau à Vélo, on n'a pas de salariés, donc ça facilite certaines choses déjà. On a deux sources de financement, c'est les adhésions et la mairie de Pau. Voilà. Alors maintenant, il y en a une troisième depuis peu, quand on a aussi un financement national sur un projet de rue aux enfants qu'on a mené récemment. Mmh. Mais grosso modo, voilà, on en est là, à peu près à 50-50. On a de l'ordre de 300 adhérents à peu près, ça a augmenté, hein, parce qu'il y a deux ans on était à 150. Ah donc, oui. On est dans une bonne montée en tout cas. Il y a une bonne visibilité, oui. Je trouve, hein, moi qui ne connaissais pas. On essaye d'être visible, hein, ouais. c'est notre rôle de porter des revendications. Je vais parler un petit peu après de notre agenda d'ailleurs, parce que pour être visible, il faut être présent, il faut faire des choses, donc on essaye d'en faire. Là comme l'autre, vous êtes des structures Association 1901 ? Oui. Donc avec un conseil d'administration ? Voilà. Un bureau ? C'est pas obligatoire le bureau. Bah nous non. Ouais. Nous, non très non. Bien, ouais. Intéressant. Nous on est en direction collégiale. D'accord, c'est le CA qui dirige. C'est ça. Voilà, c'est comme un RPO alors. Mmh. Parce que bon, dans les statuts d'RPO, il n'y a pas de bureau, même si à une époque, je crois que ça a fonctionné avec ce qui s'appelait un bureau, mais en fait, il n'y en a pas dans les statuts. Et donc c'est le CA qui est toujours actif avec peut-être des délégations après. Oui, c'est ça, nous c'est pareil. Voilà. Des commissions, quoi. Des commissions, ici ça s'appelle des sections, mais enfin le principe est le même, oui. Mm-hmm. Et à Pau Vélo, c'est oui, pareil. C'est pareil, oui. On a un conseil d'administration, on n'a pas de bureau, on a quand même des secrétaires et des trésoriers, mais on n'a pas un bureau spécifique, et du coup, voilà, la prise de décision, c'est le conseil d'administration. Très bien. Qui va être renouvelé bientôt à notre AG, là, qui aura lieu le 11 décembre. Alors ça impose peut-être, dites-moi, ça m'intéresse. intéresse à d'autres niveaux, ce fonctionnement-là, que moi je trouve vraiment intéressant, ça impose quand même des CA beaucoup plus réguliers que ce qu'on entend faire dans des associations qui ont des bureaux. Le conseil d'administration est obligé de se réunir quand même plus fréquemment pour pouvoir prendre des décisions, puisque c'est lui qui gère. Je ne sais pas, c'est quoi votre norme, ça serait quoi ? Je ne sais pas, tous les deux mois ou tous les mois, ou faire le point, quoi. Pour faire le point. Je pense que les associations lambda, elles se réunissent régulièrement. Hein. Ouais. Nous, on a un CA tous les mois. Vous avez un CA tous les mois. Voilà. C'est ça que je voulais entendre. Après, avant, il n'y avait que ça. Cette année, il y a les commissions dont j'ai parlé tout à l'heure, animation, aménagement, et puis action de terrain. Et ça fait beaucoup de réunions en plus. Ce n'est pas des lieux forcément de décision. Enfin, si, c'est des lieux de décision aussi. Mais pratique, sur délégation, quoi. Si on veut être partout, ça fait pas mal de réunions. D'accord. Pareil pour l'atelier. Oui, alors nous, on essaie de faire des réunions de direction collégiale régulièrement, mais c'est pas facile parce que les emplois du temps des uns et des autres les vies des uns et des autres font que c'est. On a changé d'optique parce que c'était trop difficile d'organiser régulièrement, genre tous les mois, des réunions comme ça. Donc maintenant, on fonctionne plus par commission, justement. Donc ce qui permet de repousser en fait les moments où on fait des réunions tous ensemble. Donc du coup maintenant des réunions tous ensemble on en fait moins, je sais pas, tous les deux mois peut-être. C'est déjà bien, c'est déjà par pratique associative, c'est déjà ouais bien. Ouais, c'est ça, ça prend énormément de temps en fait. C'est déjà important, ouais. Parce que dites-moi si je me trompe, mais un des pièges que j'ai vu ailleurs bien sûr, c'est que quand à partir du moment où il y a un salarié, les bénévoles se déchargent un peu et d'une manière indirecte, inconsciente, j'allais dire non voulu, non formalisé, le salarié devient en fait un, entre guillemets, directeur ou responsable, et du coup, la partie participative du CA devient plus secondaire. Oui, c'est tout à fait le cas. Oui. Ouais, c'est ce qui se passe. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est bien ou pas bien ? Ah ben c'est bien, comme ça j'ai tous les pouvoirs, mais c'est pour ça qu'il fallait que je dise non, je retire. Voilà. C'est très piégeux, quoi. C'est très piégeux. Il faut être vigilant parce que d'une part effectivement on peut être amené ou on peut être incité à prendre des décisions tout seul parce que du coup c'est compliqué d'avoir les autres, mais une décision tout seul, quelle est le poids, la valeur, etc., la légitimité. C'est pas l'idéal, non ? Non, c'est pas simple. Non, c'est pas pour rien que je posais la question, c'est du vécu. Hein. je sais que c'est pas facile et que la problématique est posée, mais pour ma part, je pense que les associations doivent devenir matures et s'assumer comme association, tout en associant le ou les membres du personnel, s'il y en a plusieurs, évidemment, à leur place, mais qui restent salariés, et l'employeur étant l'association, elle ne peut pas se défausser sur le salarié lui-même. En général, ça finit pas bien. Ouais, c'est-à-dire que ça peut effectivement mener à un essoufflement ou à des choses comme ça. Si on veut éviter ça, je crois qu'il faut être clair. Voilà. Enfin, c'est là aussi du vécu. Alors parlons un petit peu maintenant. On a parlé financement, on a parlé gouvernance, on a parlé contenu de vos associations réciproques, et ça c'était bien de poser tout ça. Au niveau du vélo, de la pratique du vélo dans Pau, aujourd'hui, si vous deviez dire quelles sont les priorités pour améliorer les choses, mais donc derrière, en essayant de positiver les difficultés principales qu'on rencontre dans la ville et puis s'approche banlieue, quoi, hein, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me répéter la question ? J'ai pas suivi. Quelles seraient les priorités sur Pau pour qu'on utilise mieux le vélo ? Quelles sont les difficultés principales rencontrées pour des gens qui circulent à vélo ? Alors moi, j'en ai quelques-unes que je pourrais vous donner. Ouais. C'est quand on utilise, on en voit, que je voyais pas avant. Hein. Ouais. Pour vous, à partir de votre association ou de vos associations, qu'est-ce que vous avez repéré qui serait, si vous deviez faire des priorités, et ce qui débouchera après sur l'autre question, c'est... Bon, un petit peu quelle est l'orientation de vos demandes. On n'est pas loin d'élections municipales, c'est le moment ou jamais de faire connaître, de faire savoir ces choses-là. Ouais, alors c'est une très bonne question et c'est difficile d'y répondre de façon synthétique, donc je vais développer un petit peu. Oui. Il y a énormément de choses à faire pour le vélo et à la fois c'est difficile d'être à la fois sur des petits détails qui changent le quotidien. Je pense par exemple sur le BHNS là, le Phébus. Ouais. On a des nouvelles pistes cyclables qui sont toutes neuves. Il y a une question de priorité qui se pose par rapport aux voitures. Comment l'aménagement a été fait actuellement, c'est par exemple le vélo qui descend sur la route avec un petit ressaut de trottoir. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle Stein von Osteren qui est assez connu dans le milieu vélo qui fait ce bruitage du schlock schlock pour bien évoquer le petit ressaut qu'on ressent quand on passe ça, mais il y en a une vingtaine à passer au moins, voire plus sur ce trajet là si on le longe tout du long. Alors que donc c'est d'un côté c'est génial d'avoir ces nouvelles pistes, hein, on va pas cracher dans la soupe non plus. De l'autre côté, si on avait une vraie volonté de développer le vélo comme moyen de transport, on lui aurait aussi donné la priorité, clairement, en surélevant plutôt le passage du vélo, c'est-à-dire que le vélo, lui, n'aurait pas à descendre sur la route et que ce serait la route qui monterait à hauteur du vélo. Et donc, ce serait la voiture qui aurait le chloc-chloc au moment où elle monte sur la piste, entre guillemets, et le vélo qui, lui, n'aurait aucun ressaut. Donc ça, c'est des petits détails sur lesquels on peut être revendiqué. Enfin, on va demander des choses. C'est tout à fait jouable, hein, de faire ces modifs-là. Ouais, je l'espère. Après, et puis il y a des revendications un petit peu plus lourdes qui sont de l'ordre d'aménager en fait et de penser la ville pour le vélo. Et là, il y a beaucoup de choses à faire partout. Donc nous, on est inspiré. On demande. Je pense que notre axe, comme on s'occupe aussi des piétons, notre axe prioritaire pour faire de notre ville une ville vivable et apaisée et active aussi, active dans le sens où on se déplace en utilisant son énergie. C'est l'apaisement de la ville, l'apaisement de la circulation, des restrictions sur la circulation et sur le stationnement qui font que il est plus facile, entre guillemets, il doit devenir plus facile de se déplacer en vélo ou à pied qu'en voiture, ou au moins aussi facile. Alors c'est déjà un petit peu le cas, les voitures vont pas plus vite en ville que les vélos à cause des feux rouges, etc. Mais notre objectif c'est que ça devienne explicite, donc on s'est inspiré pour ça dans les choses, dans les discours qu'on tient un peu quand on rencontre des élus ou des techniciens. On s'est inspiré de modèles qui existent déjà ailleurs aux Pays-Bas par exemple, enfin qui ont été inventés aux Pays-Bas il y a fort longtemps, le modèle de Groningen, qui consiste à dire, il y a des quartiers, ces quartiers c'est un peu comme des poches, ou comme un sac, et pour une voiture, un sac il n'y a qu'une sortie, une entrée, c'est le haut du sac, et il est relié au périphérique de la ville. Voilà. Par contre, les vélos et les piétons, eux, ils sont pas dans un sac. Ils peuvent traverser, ils sont dans un réseau bien maillé. Et ça fait qu'en fait, ces sacs-là deviennent vraiment des quartiers dans lesquels les gens qui arrivent, ils viennent là parce que soit ils habitent là, ou soit ils viennent se rendre ici, ils viennent rendre visite à quelqu'un là-dedans. Ils sont jamais en train, c'est impossible physiquement de traverser le quartier pour se rendre dans un autre quartier. Pour se rendre dans un autre quartier, il faut aller prendre entre guillemets le périphérique, ou enfin le gros axe, la rocade. Donc on essaye nous un petit peu de pousser ce type de modèle là d'apaisement de la circulation en ville, ce qui fait qu'après quand on a des rues qui sont comme ça, des rues de quartier, des rues dans lesquelles pratiquement les enfants peuvent jouer, on n'a plus besoin forcément d'aménagement cyclable parce qu'on a assez peu de passages, on a quelque chose qui est très apaisé, qu'on peut mettre assez facilement, on imagine bien une petite impasse quoi, on met ça à 30, à 20 km heure, c'est une zone de rencontre, il n'y a même pas besoin de trottoir, il n'y a même pas besoin de passage piéton, c'est un peu ça vers laquelle on essaye de pousser. Dans le cœur de la ville, on essaye de pousser pour une piétonisation plus large. On a fait ça en demandant notamment la rue aux enfants, la rue Carnot aux enfants. Enfin, nous, on a dit qu'on aimerait bien que la rue Carnot soit piétonne entre le Foirail et les Halles. On a fait pour ça un événement qui s'appelle la rue aux enfants, là, dans le courant du mois de juin dernier, où cette rue a été effectivement bloquée à la circulation voiture et où on a mis des jeux pour enfants à la place de l'espace qui est dédié à la circulation des voitures habituellement. Ça a été un assez bon succès et je pense que le message est pas mal passé. On a le même genre de revendication sur la rue Castetno, qui est aussi une rue infernale. C'était très sympa, la rue Carnot, quand elle était bloquée. Ouais. Ouais, je suis passé. C'était une belle réussite. C'était très ludique, ça a beaucoup plu. Il y avait beaucoup de détente, les gens déambulaient de manière un peu naturelle. Mmh. Aussitôt, l'espace est utilisé d'une autre manière. C'était étonnant à regarder, d'ailleurs. Quand on enlève la circulation motorisée, moi, je trouve que ce jour-là, ce qui était frappant, c'était le silence là, qu'on avait, entre guillemets. On s'attendait à peut-être avoir du bruit, des enfants qui crient, etc., mais pas du tout. En fait, les enfants qui s'agitent font beaucoup moins de bruit que des moteurs qui passent. Mmh. Et donc il y avait une espèce de calme actif en même temps, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'activité qui était assez impressionnant effectivement, et très une bonne convivialité. Donc on revendique le même genre de choses un petit peu ailleurs dans la rue Castet. Alors c'est pas encore vraiment validé, là on doit encore en reparler en AG. On a aussi des revendications un petit peu entre guillemets radicales, parce qu'on a envie de changer radicalement le visage des mobilités en Pau. Donc le groupe aménagement là dont je vous ai parlé tout à l'heure a commencé à élaborer ce genre de revendications, et on va les valider là prochainement. Alors je vais pas en parler plus en avant ici. J'attends. Mais par exemple cette idée de la rue Carnot, pour prendre celle-là puisque vous l'avez déjà fait, est-ce que ce serait envisageable pour vous, peut-être aussi pour les politiques, hein, mais que ça devienne, je sais pas, par exemple, on se dit deux fois par mois, à tel moment, tel jour, de manière régulière, comme ça existe, par exemple, je l'entends parfois à Paris ou dans d'autres villes, et bien la rue, elle est piétonne, accessible au vélo, et que ça devienne une habitude. Oui, alors nous, on revendique si possible quelque chose qui soit continu, mais on est bien conscient qu'il y a des intermédiaires. Le premier intermédiaire, c'était la rue aux enfants. Monsieur Bayrou, il nous a reçus parce que cette expérience lui a plu à lui aussi. Il nous a a priori dit qu'il aimerait bien tenter de reconduire cette expérience-là, de reconduire la piétonnisation toutes les semaines aux horaires de marché, parce que c'est un horaire effectivement où la rue est très passante et c'est très agréable pour les gens qui ont leur petit caddie de ne pas être obligés de se mettre sur la rue, parce que de toute façon les trottoirs sont trop étroits. Pour l'instant, nous, on est dans l'attente d'action de ce côté-là. En tout cas, il avait affiché cette intention-là. Les oreilles sont ouvertes, apparemment. Donc, c'est déjà bien. C'est un bon début. Voilà. Okay. Donc, pour un truc régulier, en tout cas, je veux dire, entre guillemets, c'est dans les tuyaux. Je ne sais pas quelle réalité ça aura après. Il y a la question des élections qui s'approche, effectivement, comme vous l'avez dit. Mais voilà. Serge, quelque chose par rapport à ça? Non, rien à rajouter. Rien à rajouter. Quelles autres priorités vous paraissent Il y a quelque chose d'emblématique là, qui me semble essentiel à pousser, c'est ce que je nommerais la connectivité au faubourg, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a un centre-ville de Pau qui est assez sympa quand on est à pied ou en vélo, avec des rues piétonnes. Et puis on a pas mal d'axes qui sont un petit peu en périphérie et qui finalement sont aussi assez agréables, je pense aux allées de Morlaz d'un côté, alors même si on peut débattre un petit peu comment est-ce qu'on peut y circuler en vélo à l'intérieur, il y a les voies du Phébus, bon, il y a le parc du Château, pour pas dire l'avenue des Tigny là, qui elle par contre est horrible. Il y a la voie verte, ça par contre c'est un axe hyper important, la V81, je dis voie verte mais en fait c'est pas le nom, c'est la véloroute V81 qui permet d'aller vers l'est très loin jusqu'à Naï, et qui permet d'aller à l'ouest jusqu'à Tarsac à peu près, avec des petites interruptions, mais grosso modo c'est quand même un axe de déplacement actif très important, et que des gens utilisent quotidiennement pour aller travailler aussi. Et donc on a tous ces axes-là qui sont très sympas, et la question c'est de les relier au centre, parce que entre ces axes-là et le centre, et ben on a des enfers cyclables dont le plus emblématique, je dirais, c'est le 14 juillet, le pont du 14 juillet, la rue Marca, le bas de la rue Marca, enfin la rue Marca qui remonte là, quand on la prend dans le sens de la montée, on est vraiment on appelle ça le Mordor cyclable dans le milieu cycliste, un petit peu, on s'imagine bien un paysage infernal. Effectivement c'est très désagréable, surtout si on n'est pas assisté électriquement, on est dans la montée, on est beaucoup plus lent que les voitures, il y a beaucoup de fils voitures, et on se voit pas emmener son gamin de 6 ans là-dedans pour aller à l'école Marca qui est juste à côté. Non, c'est pas possible. Il y a le bout de la rue Carnot, tout bêtement, qui au bout de la rue Carnot, on est à quoi, on est à 50-100 mètres de la piste du Folio-Hôtel, du Phébus, du BHNS, des nouvelles pistes cyclables, et ces 50 et 100 mètres, entre 50 et 100 mètres, ils sont très difficiles en fait pour les cyclistes. Donc c'est des choses, des connexions comme ça en fait, la connexion au centre-ville, c'est quelque chose sur lequel on aimerait... Enfin, ce que ça montre, Sébastien, pardon de vous couper, mais c'est que ça n'a pas été pensé. Non. Voilà, et donc ça, c'est dommage. Bon, alors, il n'est peut-être pas trop tard pour rattraper, mais c'est tellement mieux maintenant que les questions concernant le vélo sont sur la table et que tout le monde sait que c'est important pour la qualité de vie, pour l'environnement, et pour le budget, et pour tout un tas de choses. Il faut maintenant que ces éléments-là, et là, vous pouvez, je suppose que vous le faites, peser en amont, quand les projets se montent. Donc ça mériterait que peut-être la municipalité s'engage à vous consulter, par exemple, tout simplement, avant d'élaborer un projet. Ouais. Bon, voilà, c'est ça le participatif aussi. Ouais, ouais. Alors c'est ce qu'on essaye d'obtenir. On est en négociation là-dessus. Alors nous, on essaye de peser par tous les moyens qui nous sont donnés. On a commencé par demander à parler effectivement au service technique pour être consulté en amont des projets. Et puis, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu beaucoup de projets qui se sont réalisés, beaucoup de routes rénovées. En fait, il y a une loi qui dit que toute route rénovée doit comporter un itinéraire cyclable. Mmh. Et on a vu énormément de routes rénovées sans qu'on ait été consulté et sans voir d'itinéraire cyclable dessus. Mmh. Donc, on a entamé ensuite une deuxième action, ouais, qui était une action en justice. Ah oui, voilà, sur ce sujet-là, je pense qu'on a bien fait de la faire. Bon, peut-être que les services municipaux diront des choses différentes, mais ça a permis de secouer un peu le cocotier, entre guillemets, de rappeler les vraies nécessités, qu'on n'est pas là pour rigoler, on est là avec des enjeux d'avenir et avec des enjeux de loi, et donc il s'agit de respecter cette loi. Donc ça a coupé les ponts de la communication avec les services techniques, avec la mairie, cette action en justice. C'est dommage. Et récemment, on les a réouverts via cette rue Carnot aux enfants qu'on a, d'accord, faite. On a redemandé au maire d'être à nouveau d'être consulté. Donc on a eu jusqu'à présent une réunion dans ce sens-là. Alors je ne peux pas encore vous dire ce que ça va donner. Mmh. On sent bien qu'il y a une grande frilosité, il y a une peur de la part des services techniques notamment. Ils veulent bien entendre ce qu'on a à dire, mais ils ne veulent pas qu'on fasse de ramdam pour obtenir ce qu'on veut. Ah ouais. Donc, bon, voilà, il y a cette question. Là, alors que nous, c'est un peu notre rôle aussi de faire du ramdam pour obtenir des choses. C'est non, et puis ça interroge tout simplement cet état d'esprit qui parfois m'agace en France. Si on veut du participatif et pas seulement dans les mots, il faut accepter d'être dérangé par les partenaires avec qui on discute. Mmh. Et puis on peut être en désaccord tout en étant très correct, mmh, et s'asseoir autour d'une table. Mmh. C'est quoi cette idée que parce qu'on serait en désaccord, on peut pas se parler ou on se fait la gueule, parlons français. Franchement, non, c'est pas acceptable. On doit pouvoir. Vous avez sans doute eu raison. La loi le dira de poursuivre au niveau judiciaire puisque c'était pas conforme à ce qui est prévu dans la loi. Et donc la loi doit s'appliquer. Et bien évidemment que la commune, elle connaissait la loi. Donc les chefs, les responsables qui ont fait ces plans et ceux qui les ont validés, se sont plantés. C'est pas dramatique. Il suffit qu'ils le reconnaissent. Voilà. Hein, c'est une difficulté de voilà, oui, mais ça c'est général. Ça c'est des histoires d'ego, nous on s'en fiche. Oui. Hein, voilà. Donc il faut ça serait tellement mieux, notre pays irait tellement mieux si on pouvait tout simplement partir de ce principe-là, on n'est pas obligé d'être d'accord pour être ensemble et on peut même changer d'avis quand on arrive à se faire convaincre que parfois c'est l'autre qui a raison. Oui. Voilà. En tout cas, on est bien dans la ligne que vous venez de décrire. Nous on essaye de dialoguer à tout prix même si on n'est pas toujours d'accord, voilà, et si on sait qu'on va pas l'être, enfin de dialoguer. Oui, on essaye d'obtenir. Parce que pour nous, enfin voilà, il faut qu'on soit au courant. Le mieux, c'est d'être au courant des projets, bien et sûr, de pouvoir dire ce qu'on en pense avant qu'ils soient faits. Mais en même temps, on a aussi envie de sortir d'une logique un petit peu à l'opportunité de travaux pour aller vers une vraie logique de plan de déplacement, comme je vous l'ai décrit un petit peu. Et voilà, donc on est sur ces deux tableaux-là, à la fois être au courant des travaux qui vont être faits, et à la fois parce que on est très critique sur tout ce qui se fait de neuf quand c'est pas fait pour le vélo. Et à la fois aussi demander une vision globale qui permet que il y a une direction, quoi. Actuellement, on est un peu à l'opportunité. Voilà. Ouais, l'opportunité, elle a été sur le Fébus parce qu'il y avait ce réseau de bus. Elle a été sur le quartier Saragosse parce que le quartier était rénové. Mais il n'y a pas une vision vélo réelle, structurée derrière pour l'instant. Voilà. Ouais, d'accord. Serge, quelque chose à ajouter à tout ça ? Pas grand-chose, si ce n'est que, en fait. Nous, on est bien content que Pau à vélo, ça existe. Et réciproquement, que nous, on est content que l'atelier vélo existe. Je suis bien content de l'entendre. Et parce que, voilà, pour nous, clairement, il y a une complémentarité entre nos deux associations. Sur certains territoires, d'ailleurs, je déteste le mot territoire, mais je l'utilise trop souvent, donc ça sort tout seul. Mais sur certaines villes, il y a effectivement des associations qui produisent, on va dire, qui, comment dire... Une seule association mène de front les deux types de combats que là, vous avez deux associations en face de vous qui les mènent. C'est pas pour rien que vous êtes invités ensemble. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me doute bien. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que dans certains endroits et dans beaucoup d'endroits, effectivement, il n'y a qu'une seule entité qui gère donc à la fois le volet, on va dire, politique, cyclable, je sais pas, c'est peut-être réducteur de dire ça, et le volet animation. Alors c'est vrai que Poivelo fait aussi des animations, et enfin... donc il y a vraiment une perméabilité, une continuité, une complémentarité, je pense, entre les deux associations. Et on pourrait même imaginer, Serge, je suis persuadé que vous y avez pensé l'un et l'autre, une manifestation commune à l'occasion qui permettrait de faire connaître les deux associations et avec possibilité, je sais pas, moi, de faire réparer son vélo, de venir, voilà, il y a des trucs à imaginer, non ? Ça, ah mais bien sûr, hein, oui, bien sûr. Ça a même déjà été fait, je dirais. Lors de la fête du vélo, on se retrouve systématiquement lors de la fête du vélo. Nous, on fait une bourse au vélo, donc on organise la vente et l'achat de vélos d'occasion. Et juste à côté, il y a l'atelier vélo qui permet un peu de faire les derniers réglages sur les vélos qu'on vend ou qu'on achète. Ça, on l'a fait deux années de suite. Super. Et puis, on a fait aussi des apéros au vélo. Alors, donc, nous, on se réunit de temps en temps pour parler vélo aux mêmes endroits où eux font le... Ça, on l'a fait par le passé. Aux endroits où eux font leur atelier de réparation, donc, notamment à l'MJCB. Donc, vous n'avez pas attendu pour le faire. C'est parfait, c'est bien. Il faudra le renouveler. Mais surtout, n'oubliez pas de donner les infos à RPO. Alors, je pense que dans un délai proche, il y aura une adresse communication RPO ou RPO communication où vous pourrez adresser vos mails, vos infos pour qu'on puisse les diffuser. Ouais. Voilà. Alors moi, juste une info alors pour demain, parce que demain, c'est demain. Demain, c'est vite. Quoi. Donc, demain, c'est le Bike Friday. Je voulais quand même en parler. Le Bike Friday. Bike Green Friday. Ouais, aussi. Et forcément. Et voilà. Donc, du coup, on sera... on sera à rue Carnot, à défaut de mieux. D'accord. Et donc, on sera dans le café. Ouais, c'est déjà pas mal. On sera dans le café épicerie local AQ. Et AQ. AQ. Donc, on y sera demain après-midi, si vous voulez passer, si vous avez besoin de passer. Okay. Serge, je crois que vous vouliez partir. Ah, bientôt. Je ne vais pas rester éternellement. C'est un plaisir. Mais... Non, mais c'était partagé. Une question, quand même, que j'avais en tête tout à l'heure, puis que j'avais un peu zappé. Les vélos assistance électrique au niveau de l'entretien, c'est jouable aussi, on peut venir vous voir. Seulement pour la roue avant. Seulement pour la roue, il n'y a pas le moteur, quoi, c'est ça. C'est-à-dire, ça dépend. Éventuellement, on peut, je sais pas, ça dépend des vélos déjà, il y a vraiment de tout comme vélo électrique. Non, si c'est pour les freins, ça doit être jouable. Ça dépend. Si c'est par exemple des freins hydrauliques, on n'a pas forcément le matériel pour les freins hydrauliques, nous, notre coche par chez nous. Ouais. On en voit tellement peu. On pense l'acheter le matériel, mais pour l'instant, voilà, c'est tellement rare. Pas emballé par le vélo. Moi, j'ai pas vraiment d'avis ni tranché ni personnel sur cette question-là. Tout ce que je sais, c'est que c'est plus compliqué, plus lourd, les réparateurs qui s'orientent du coup vers la réparation de vélos électriques, ils s'équipent différemment. Hein. Ils changent de pied d'atelier, ils achètent de l'hydraulique justement parce que ça pèse un âne mort ces trucs. Ainsi de suite. Donc voilà, nous pour l'instant on est plutôt orienté vers la réparation de vélos traditionnels. D'accord. Voilà. Bon, Serge, j'espère que tout se passera bien demain. Donc oui, il n'y a pas de raison. Voilà. Je vais juste écouter ce qu'a à dire Poivelo vélo sur le vélo électrique, puis j'y vais. Allez. Et après, on fait une pause. Okay. Voilà, parfait. Le vélo électrique, oui, nous, on est plutôt... Assistance électrique, oui, on est assez enthousiaste là-dessus. Nous, c'est vrai que ça nous donne des arguments supplémentaires quand on parle de faire passer des gens au vélo. Voilà, moi, je suis content de vous entendre dire que peut-être sans ça, vous y seriez pas remis. Ouais. Ça nous permet aussi de dire, d'élargir la distance actuellement. Avec un vélo normal, on peut envisager de faire un trajet jusqu'à 5 km aller, à peu près, c'est raisonnable. Sur des infrastructures correctes, on peut se dire qu'on va faire... on va faire 5 km pour aller au boulot et 5 km pour revenir, et on va mettre moins d'une demi-heure, ça va être confortable et ça va être agréable, et c'est on peut le dire, enfin, on peut, entre guillemets, envisager cette attitude de la part des gens. Et avec un vélo électrique, on peut aller encore plus loin, on peut aller jusqu'à 10 km, on annule le problème de la montée qui, à Pau, existe, mais mine de rien, du côté, enfin, à Pau et dans tout, à Bière également, à Lescar aussi, donc dans toutes ces villes, on a une petite côte à franchir, ça permet de s'affranchir de ça, et mine de rien, si ça permet de faire passer plus de personnes au vélo et au déplacement actif, ça reste un déplacement actif. On se fatigue malgré tout sur un vélo électrique. J'en on fait de l'exercice. Ouais. C'est important l'exercice pour la santé, pour sa propre santé. Donc nous, on est assez favorable. Alors derrière, il y a des questions que Serge a à peine commencé à dévoiler, qui sont quand même. On est sur quelque chose qui est plus lourd au niveau environnemental entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des batteries à gérer. On a un système électrique. Donc c'est plus lourd au niveau environnemental, c'est plus lourd au niveau maintenance. Donc tant qu'on peut, tant qu'on a la forme, tant qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin, si on n'a pas trop de côtes, ben nous on prône toujours. Je vais parler à titre personnel parce que je peux pas parler au nom de l'association. Mais moi je recommande de penser en premier au vélo classique, un vélo mine de rien bien entretenu, avec une chaîne bien graissée, bien nettoyée, des pneus bien gonflés. On fait pas beaucoup d'efforts et on va vite en fait. On atteint vite les 25 km/h sur lesquels l'assistance, auquel l'assistance s'arrête, officiellement. Après, il faut une plaque, il faut un casque, il faut un permis. Je dis des bêtises, mais c'est grosso modo c'est ça. En tout cas, une plaque et un casque, c'est sûr. Si on a des vélos qui sont assistés au-delà de 25 km/h, donc le vélo classique, quand on peut, c'est plus simple. C'est parfois tout aussi efficace. Et le vélo électrique, il offre des possibilités supplémentaires desquelles on se réjouit énormément. Voilà. Ok, on reprend ça tout à l'heure et on parlera des événements à venir pour Pau à vélo et pour l'atelier participatif et solidaire, l'atelier vélo participatif et solidaire, j'ai bien dit là. Bravo, mais bon, moi je vous dis au revoir. Eh bien au revoir Serge, au revoir. À bientôt et bonne continuation. Ça bouge sur RPO. Ça bouge sur RPO. comme tous les jeudis, en fin d'après-midi. Émission dédiée à la vie de quartier. Dédiée à la vie de quartier, quartier, quartier. Et nous, on se retrouve avec Sébastien, Monsieur Sébastien Lamy, de Pau à Vélo, notre ami Serge, nous a quittés vers d'autres cieux et d'autres aventures. Donc, je crois, Sébastien, ce qui était intéressant maintenant, c'est que vous nous informiez des actions qui sont prévues. Oui. Voilà, par votre association. Oui. Alors, je vais d'abord faire de la pub pour une action qui n'est pas spécialement menée par notre association, mais plutôt par la Fédération nationale qui regroupe un peu toutes les associations vélo du même type que la nôtre. Parce qu'il faut savoir que, pas dans toutes les villes de France, mais dans beaucoup de villes, il y a des associations du même type et ça fait sens qu'elles se regroupent pour porter des revendications au niveau national. Mmh. Et donc en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de sortir, ça s'appelle le baromètre des villes cyclables. Donc je vous invite à aller sur parlonsvélo.fr, alors parlons-vélo.fr, alors il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de majuscule, hein, et parlons parlonsvélo.fr. Et donc là, vous allez pouvoir répondre à des questions sur en fait comment vous voyez la pratique du vélo dans votre ville. On va vous poser plusieurs questions, et notamment à la fin, on va vous interroger aussi sur qu'est-ce que vous aimeriez comme route, qui soit comme aménagement nouveau qui soit fait, quels sont les points noirs que vous voyez dans votre ville. Donc c'est important d'y répondre, parce que les villes sont notées au niveau national. Du coup, l'an dernier, Pau a obtenu une note pas terrible, il faut le dire, je crois que c'est F carrément. Si c'est pour l'état des routes, je comprends. Hein. C'est pas que l'état des routes, est-ce que c'est une ville agréable pour le vélo ou pas? C'est ça la question qu'on pose à travers plein de petites questions, c'est en jugement, est-ce que c'est une ville agréable pour le vélo? Donc Pau n'a pas été très bien classé, depuis il y a eu quand même des pistes qui ont été rajoutées, des travaux qui se sont finis le long du Phébus, donc peut-être que ce sera un petit peu meilleur cette année, mais en tout cas moi je vous invite à répondre pour votre ville, et puis pour surtout aussi si vous êtes un petit peu à côté, que ce soit Billère, Lons, Lescar, toutes ces villes-là aussi, Gélos, Bizanos, il faut 50 réponses pour qu'une ville elle entre au classement. Donc vous pouvez être un des 50 de votre ville, et puis si vous pratiquez, en fait vous pouvez répondre pour plusieurs villes, donc si vous roulez à Pau et à Billère, et bien vous pouvez répondre pour Pau et pour Billère, et du coup permettre d'obtenir ce seuil des 50 réponses, et mine de rien c'est un outil politique assez important pour faire peser le vélo. Là, l'objectif vraiment c'est de faire peser le vélo dans les municipales, et puis ça guide et nous et les politiques à travers le message que vous porterez, qu'est-ce qu'il y a comme priorité d'action à faire pour le vélo, où est-ce que Pau est le moins bien noté, où est-ce que Billère est le moins bien noté, donc c'est là où elle doit s'améliorer et travailler. Donc c'est vraiment important d'y répondre à ce baromètre des villes cyclables, dont je répète c'est sur parlons-vélo.fr. Donc tout en minuscule, hein, parlons-vélo.fr. Voilà, et ça c'est avant le 30 novembre, c'est pour ça que j'en fais une pub un petit peu urgente. Ah oui, en effet. Il faut faire ça, voilà, un colis-vous-y ce soir, demain soir, dernier délai, mais voilà. C'est ça, d'accord. Voilà. Avant le 30, ça veut dire, oui, demain c'est le 29, effectivement. Ouais. Mais pour ma part, je vais y aller. Voilà, parlonsvélo.fr. Ouais, parce que honnêtement, c'est vrai, je glissais, je le savais, beaucoup de membres de ma famille n'habitent pas à Pau. Quand ils viennent en voiture, ils trouvent vraiment qu'en dehors, de l'avenue évidemment maintenant, où il y a le Phébus, qui, bien qu'il y a beaucoup de ralentisseurs, c'est pas toujours évident, mais où là on a un revêtement correct, mais alors dans d'autres endroits, on est secoué, et alors en vélo, c'est 10 fois plus désagréable, quoi. Ça d'un côté, moi j'avais noté aussi, je l'ai même signalé à l'alerte voirie, il y a des endroits où il y a beaucoup de gravier, notamment dans l'avenue là où il y a Pôle emploi Nord, là, je me rappelle plus le nom de cette avenue, Dufaux peut-être, je ne sais plus. Ah, et peut-être, là où il y a le crématorium aussi, ouais. Cette avenue là, il y a des alors j'appelle pas ça des pistes cyclables, je sais pas comment ça s'appelle, des bandes cyclables, hein, qui sont quand même très étroite, c'est vraiment la portion congrue, et qui, notamment d'un côté où il y a des camions qui sortent pour les travaux, sont tout le temps, il y en a sur une centaine de mètres, un endroit, c'est même pas la peine de rouler, parce que c'est plein de gravier, et c'est même dangereux, quoi. Donc, je l'avais signalé. Donc, c'est vrai qu'il y a, j'ai l'impression quand même que globalement, en dehors des routes qui viennent d'être faites pour Phébus, il y a quand même un état global des revêtements qui n'est pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non, je suis d'accord avec vous. Il y a un travail, un vrai travail à faire sur le revêtement. Et puis, il y a une question, de la priorité qu'on veut se donner. Il faut savoir que si on a envie de se donner la priorité vélo, ça va coûter moins cher que de se donner la priorité voiture. Sur la question des revêtements, c'est toujours moins à refaire, c'est moins abîmé. On a un exemple aussi de problème important, malgré tout. Il y a un revêtement relativement neuf. C'est le boulevard des Pyrénées qui a été fait il y a moins de 5 ans, en tout cas. Qui est complètement déjà bien abîmé aujourd'hui, mais à cause du comportement de l'usage malheureux qui est fait, beaucoup de camions qui se stationnent dessus, de camions qui roulent dessus. Là récemment, il y a la grande roue qui est installée, mais le semi-remorque, double semi-remorque qui va monter à cheval dessus. Et un truc qui est presque neuf, et ben, il est déjà abîmé, il est déjà en passe de se dégrader avec des trous assez importants. C'est dommage. Donc c'est dommage, mais quand en tout cas on arrive à réserver la chose efficacement au vélo, les vélos abîment très très peu le revêtement et on a quelque chose qui est durable et qui coûte pas cher parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins. C'est un des gros avantages du vélo, il y a besoin de beaucoup moins de place pour faire passer des gens en vélo que pour les faire passer en voiture. Donc le service rendu c'est le même, c'est qu'on permet aux gens de se déplacer et par contre ça coûte beaucoup moins cher, voilà. Et c'est plus durable. Alors voilà, effectivement. Pour continuer sur les animations un peu qu'on propose, on a lancé récemment une vélo-école. Alors là, Serge n'est plus là, mais normalement ça se fait en partenariat avec l'atelier vélo participatif et solidaire. On propose des créneaux un peu aux deux endroits. Donc nous, on est domiciliés officiellement à la MJC Berlioz. Et c'est là-bas qu'on propose notre créneau. Et eux, ils sont donc derrière le Bel Ordinaire à Bières. Et ils vont proposer aussi, alors malheureusement je ne peux pas encore communiquer l'horaire pour eux parce que ce n'est pas encore décidé de leur côté. De notre côté en tout cas c'est déjà lancé, c'est le mardi à 10h à la MJC Berlioz. Vous pouvez venir si vous ne savez pas encore faire du vélo. Et bien on propose donc un apprentissage du vélo à tout âge. Donc vu le credo c'est plutôt adulte, voilà, puisque c'est le mardi à 10h, donc là les enfants ils sont à l'école. Mais en tout cas s'il y a des adultes disponibles qui sont tentés par tous les bienfaits du vélo. Hein, le vélo, c'est pas cher, ça permet de se déplacer plus loin, ça permet de rester en bonne santé. On ne pollue pas quand on est en vélo et puis on peut accompagner ses enfants à vélo aussi, c'est sympa. Donc si tous ces avantages-là, ça vous parle et puis que ben, d'un autre côté, vous ne savez pas encore en faire, ça arrive, et bien voilà, à 10h, il y a un créneau tous les mardis à la MJC Berlioz où on vous apprend à faire du vélo. Donc il faut juste après devenir adhérent de notre association, mais ça, on peut le faire sur place, hein, il faut venir à 10h. C'est bien de nous téléphoner aussi. Alors j'avais noté dans un coin mon numéro de téléphone, il est sur notre site, je vais redonner notre site, c'est poavelo.fr. Et donc au niveau du téléphone, est-ce que je le connais pas par cœur, je suis désolé. C'est pas grave, allez-y, ouais. Prenez votre temps. Alors voilà, il est là, c'est le 07 69 62 75 56. Voilà, donc pour vous inscrire au cours de vélo le mardi matin, il ne faut pas hésiter à appeler à ce numéro-là, je le répète. On le répète, voilà. 07 69 62 75 56. Voilà, et toutes les infos, de toute façon, vous les trouverez. On a une page Facebook Pau à vélo O. Il y a deux O à la fin. Je crois que celui avec un seul O, il était pris, mais Pau à vélo en un seul mot. Et puis notre site web, pauavelo.fr. Voilà, vous avez. Il y a beaucoup de choses déjà. Hein. Il y a des balades, il y a. C'est très complet. Il y a des choses vraiment intéressantes. Une question pour finir, pour l'avenir, un petit peu. Ouais. Je n'avais pas terminé tout à fait. Je voulais parler aussi parce qu'on fait une balade lumineuse le 6 décembre. Ah oui. Alors, je vous invite, hein, venez avec votre vélo éclairé avec ça va être sympa, on va un petit peu, le mois de décembre c'est un petit peu le mois où voilà, on fait des éclairages, Noël approche et puis on a envie un petit peu de mettre de la lumière dans toute cette nuit et cette grisaille qu'on subit au mois de décembre. Donc c'est toujours un moment où Pau à vélo fait une petite balade avec des vélos bien éclairés, il y en a certains qui trouvent des guirlandes à piles là, à mettre sur leur vélo, etc. Donc là je vous invite à venir, même si vous n'avez pas forcément les guirlandes, venez un petit peu avec les éclairages que vous avez pour participer à cette petite balade lumineuse en ville qui sera très sympathique. Alors ça, c'est donc le 6 décembre. Le 6 décembre à 18h30. Le rendez-vous, il est donné place de la Reine Marguerite. C'est la place qui est sur la rue Joffre là, qui mène entre le château et la place Clémenceau. Il y a une petite place avec des restaurants qui mènent aussi au Hédas. D'accord. Voilà, c'est cette place de la Reine Marguerite. Voilà. Ah oui, oui, d'accord. 18h30 le 6 décembre. Ok, tout le monde aura noté ça. Voilà. Oui, alors ma question, c'était, j'ai eu l'occasion de... J'écoute régulièrement une émission sur France Inter qui s'appelle Carnet de campagne. à midi et demi. C'est, bon, ça parle beaucoup d'économie sociale et solidaire. Hein. D'accord. Et donc, j'ai eu l'occasion d'entendre que des villes commençaient à concevoir et mettaient en place du transport d'enfants avec des vélos, avec des, on va dire, une espèce de charrette. Je sais pas, je crois qu'ils ont trouvé des mots plus élégants que celui-là. Mais j'ai trouvé tellement l'idée intéressante, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là un moyen à la fois pour les enfants, parce que c'est ludique, mais aussi pour les adultes, à la fois non polluant, de faire du transport d'enfants. Et finalement, c'était loin. Alors, c'était à la campagne, il me semble, l'exemple qui était donné. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui prend de plus en plus. C'est des idées qui vous traversent, des fois, de promouvoir ce genre de choses ? Ça nous traverse, oui. Après, on n'a pas agi concrètement en ce sens-là. Voilà, moi j'ai vu passer aussi, malheureusement j'ai pas les noms de villes en tête. Non, moi non plus. Effectivement, il existe différents modèles. Le mieux, c'est quand les enfants ils sont actifs et qu'ils contribuent à pédaler. C'est ça, c'est le cas. Si possible, parce qu'il y a des modèles où ils sont juste passagers, mais effectivement, il y a des modèles où ils sont actifs. Alors ça nous a semblé un petit peu, ça nécessite un matériel, de l'investissement. C'est assez cher, hein, oui. Ça nous a semblé un peu hors de notre portée pour le moment, mais c'est vrai que c'est une excellente idée il y a ça, il y a aussi accompagner les enfants à l'école en vélo, proposer des itinéraires entre guillemets de vélo-bus où là on a un adulte qui va accompagner des enfants à vélo. Ouais. C'est un peu, il y a la version pédestre aussi, le pédibus qui peut être mis en place. Il faut toujours des parents un petit peu volontaires pour ce genre de choses, mais et il faut des circuits sécurisés pour pouvoir transporter les enfants comme ça à vélo. Des fois, quand on voit, je trouve ça sympathique, hein, mais des fois j'ai peur. Des fois, des fois j'ai peur pour eux parce que c'est quand c'est pas sécurisé, qu'il y a, c'est pas de piste cyclable, ça fout la trouille quand même. Ouais, alors les enfants, c'est un peu pour moi l'emblématique, en tout cas c'est une de nos raisons d'agir. Ouais. Enfin, quand on voit justement des parents avec les enfants sont si fragiles sur la route, et comme je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour eux le vélo, c'est un moyen d'autonomie, et quand on voit des enfants, des parents qui accompagnent leurs enfants, des fois un petit peu maladroitement, en prenant pas assez de place sur la chaussée, et puis sans espace dédié, justement, on n'a pas de sécurité pour eux. Uh-huh. C'est vraiment eux qui nous donnent envie d'agir. Enfin, moi, quand je les vois, je me dis vraiment, il faut qu'on améliore cette condition. C'est pas possible de se mettre autant en danger juste pour se déplacer en étant d'un côté hyper bénéfique pour la société. Bien sûr, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de motivant pour nous, effectivement, le déplacement des enfants à vélo. Ok. Voilà. Sébastien, je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez complet. Ouais. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter? Moi, je voulais parler rapidement de notre, alors que je ne dise pas de bêtises, de notre AG le 11 décembre. Je voulais vous dire, c'est un moment fort de notre association. Il ne faut pas hésiter, ça aura lieu à la grange de la MJC Berlioz. Ouais. Voilà, renseignez-vous. Il ne faut pas hésiter à venir, à adhérer à notre association à cette occasion. Bien sûr. L'adhésion, c'est combien? Alors, l'adhésion, on a plusieurs tarifs. Ça va de étudiant chômeur, c'est 10 euros. On a même lycéen à 5 euros. Et puis après, l'adhésion individuelle, elle est à 15. Et l'adhésion familiale, donc pour deux personnes d'un coup, c'est 20 euros. Voilà. D'accord. On a un peu... Oui, il faut que... C'est intéressant de se mobiliser. Et... Voilà, c'est annuel, je précise, oui, c'est pas par mois. Par principe, normalement, l'AG, sauf AG extraordinaire, c'est une fois par an. Bien, écoutez, merci Sébastien, et puis on est fait pour se revoir, donner des nouvelles, n'hésitez pas à transmettre à RPO, on communiquera avec plaisir toutes les actions, que ce soit celle de Pau à vélo ou de l'atelier... de l'atelier solidaire. Ok, mais merci de nous avoir invités. Merci beaucoup et à bientôt. On fait une petite pause et on conclut ensuite l'émission. Ça bouge sur RPO. Ça bouge sur RPO. Bien, voilà l'émission Ça bouge terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 15 jours. L'émission d'aujourd'hui sera rediffusée la semaine prochaine sur le même créneau. En tout cas, on va tout faire pour que ce soit comme ça. Voilà, elle est enregistrée. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Et je vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Meringue, know you wanna. A little Mark Anthony, it'll bring it right back to me. Cas meringue with your mama. Cas meringue, know you wanna. A little Mark Anthony, it'll bring it right back. Cas meringue with your mama. Cas meringue, know you wanna. A little Mark Anthony, it'll bring it right back to me. Cas meringue with your mama. Cas meringue, know you wanna. A little Mark Anthony. Yeah, baby.